Lettre 47e. Le palais royal, ses habitués, la famille anglaise, les journaux, le restaurant à 40 sous, la galerie d'Orléans, les oisifs, le théâtre du Vaudeville. Quoique, en ma qualité de femme, vous pourriez croire qu'il est impossible que je prenne aucun intérêt au palais royal, à ses restaurants, à ses boutiques de bijoutiers, de rubans, de jouets d'enfants, etc., et à toute la variété de mots, de misère et de bonne chère, qui s'y élèvent par étages les uns au-dessus des autres, il faut pourtant que je vous en entretienne un peu, car j'ose dire qu'il n'y a pas de lieu dans Paris qui offre un aspect aussi complètement anti-anglais que cette singulière région. Tous les étrangers qui arrivent à Paris, quel que soit leur sexe, leur âge, leur rang ou leur fortune, vont dès le premier jour visiter le palais royal. Mais quoique beaucoup d'entre eux n'y restent hélas que trop longtemps, il y en a beaucoup d'autres qui, selon moi, n'y reste pas assez. Quand même, en faisant le tour des galeries, l'attention n'aurait pas été un seul instant distraite, l'œil le plus prompt ne pourrait saisir tous les groupes caractéristiques, pittoresques et comiques, mais par-dessus tout nationaux, qui ne cessent d'y flotter pendant 20 heures au moins sur les 24. Je sais que le Palais Royal est une étude qu'il serait à la fois difficile, dangereux et désagréable de trop approfondir. Ce n'est pas là non plus mon intention. Sans monter au fait de ces bâtiments ou descendre dans leurs souterrains, il y a assez d'objets destinés à frapper les regards de tous les hommes et même de toutes les femmes qui peuvent fournir suffisamment de matière à mes observations et pour le reste, il vaut mieux ne pas s'en occuper. Mais il faudrait avoir le talent de Hogarth pour décrire les différents groupes avec tous les petits épisodes caractéristiques qui rendent le palais royal si amusant. Ces groupes ne se composent à la vérité que de Parisiens et d'étrangers qui viennent visiter la belle ville afin d'en voir toutes les curiosités et de s'y faire voir à leur tour. Mais malgré cela, ce serait en vain que vous chercheriez autre part une réunion d'êtres humains aussi singuliers que ceux que vous êtes sûrs de trouver dans tous les coins du palais royal. J'ignore comment cela se fait, mais il est certain que chaque personne que vous rencontrez ici semble être un objet digne de vos remarques. Si c'est un élégant, habillé dans le dernier goût, l'imagination le suit immédiatement jusque dans un salon de jeu. Et si l'on a le cœur compatissant, on gémit en songeant au malheur qu'il se prépare. Si c'est, au contraire, un personnage à moustache, à demi distingué, aux yeux grands, noirs, enfoncés, roulant autour de lui pour voir s'il ne trouve personne à dévorer, vous pouvez être aussi sûr que lui encore va monter dans un salon, que vous le seriez en voyant un homme tenant à la main une ligne, qu'il va à la pêche. Cette jolie soubrette bien chaussée, avec un tablier de foulard, et qui porte évidemment quelques francs noués dans le coin de son mouchoir, ne savons-nous pas que si elle examine avec soin toutes les boutiques de bijoutiers, c'est pour voir où elle trouvera des boucles d'oreilles qui lui plairont et pour lesquelles elle dépensera 3 mois de ses gages. Nous ne devons pas oublier, et d'ailleurs le pourrions-nous, cette famille composée de nos compatriotes qui vient d'entrer dans la galerie d'Orléans. Il y a le père, la mère, les filles, qu'il est facile de deviner leurs pensées et presque leurs paroles. Le père, marchant d'un pas grave, déclare que cette galerie formerait une superbe bourse. Il n'a pas encore vu la bourse de Paris. Il lève les yeux, fait 1 ou 2 pas en avant et mesure de l'œil l'espace de tous les côtés, puis s'arrête et dit peut-être à la majestueuse dame qu'il tient sous le bras et dont les yeux, pendant ce temps, errent parmi les châles, les gants, les flacons d'eau de Cologne, la porcelaine de Sèvres, tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Ceci n'est pas mal bâti, c'est léger et vaste. La largeur est très considérable pour un toit qui a l'air si peu solide, mais pourtant cela peut-il se comparer au pont de Waterloo? 2 jolies filles, aux joues rosées, aux yeux de colombe, aux cheveux ressemblant à l'aurore et retombant en boucles innombrables, au point de cacher presque leur regard curieux mais craintif, précèdent leurs parents. Avec une aimable timidité, elles s'arrêtent quand ils s'arrêtent et marchent quand ils se remettent à marcher, mais elles n'osent rien regarder, car quoique le regard baissé ne semble pas s'en apercevoir, ne savent-elles pas que ces jeunes gens aux cheveux, aux impériales et aux favoris noirs ont les yeux fixés sur elles? De même qu'aux Tuileries, il y a aussi de petits pavillons destinés à satisfaire la soif insatiable de politique, et ici encore, nous avons pu distinguer l'infortuné champion de la branche aînée des Bourbons, sûr de trouver de la consolation dans sa fidèle quotidienne et de la sympathie dans la France. L'aigre républicain vient, selon sa coutume, s'emparer avec un regard sombre du réformateur, pendant que le confortable doctrinaire sort du café Véry, ruminant sur le journal des débats et sur les chances de ses spéculations chez Tortoni ou à la Bourse. Ce fut en nous promenant autour des galeries que nous remarquâmes les personnages que je viens de décrire, et plusieurs autres encore trop nombreux pour pouvoir les citer. Ce jour-là, nous avions projeté de satisfaire notre curiosité en dînant non pas chez Véry ou quelque autre artiste d'une réputation également européenne, mais tout bonnement dans un restaurant à 40 sous par tête. Après avoir fait le tour des galeries, nous montâmes au numéro, je ne sais plus lequel, mais c'était dans une maison que l'on nous avait particulièrement recommandée pour y faire notre coup d'essai. Le spectacle qui s'offrit à nous, lorsque nous entrâmes, précédé d'une longue file de personnes, fut aussi amusant qu'il était neuf pour nous tous. Je ne dis pas que je dînerai avec plaisir trois fois par semaine au Palais Royal, à 40 sous par tête, mais je puis bien dire que je serais bien fâché si je n'y avais pas dîné une fois, et que je désire de tout mon cœur y dîner une seconde. Le repas fut très bon, et aussi varié que nous pûmes le désirer. Chaque personne ayant le droit de choisir trois ou quatre plats sur une carte qui prendrait une journée entière à lire avec attention. Mais pour nous, le dîner fut la partie la moins intéressante de cette expédition. La nouveauté du spectacle, le grand nombre d'étranges figures, la parfaite aménité et le bon ton qui régnaient parmi toutes les personnes présentes, nous faisaient jeter les yeux autour de nous avec un intérêt et une curiosité qui nous firent presque oublier la cause ostensible de notre visite. Dans le nombre des dîneurs, il y avait plusieurs Anglais, surtout des hommes, et quelques Allemands, avec leurs femmes et leurs filles. Mais la majorité se composait de Français. Et d'après plusieurs petites discussions au sujet de places qui leur étaient réservées et que l'on avait laissé prendre, et quelques paroles d'intelligence qu'ils échangèrent avec les garçons, il était facile de voir que c'était pour la plupart des personnes habituées à y dîner tous les jours, que ce mode d'existence est étrange et qu'il est inconcevable à l'esprit d'un Anglais. Cependant, mettant de côté l'habitude et peut-être même le préjugé, il n'est pas difficile de s'apercevoir qu'il a ses avantages. En premier lieu, il n'y a pas d'économie au monde, pas même celle de Mrs. Primrose, au moyen de laquelle un homme pourrait dîner chez lui aussi bien qu'il le fait dans un de ses restaurants. On calcule sur 500 ou 600 personnes par jour, nombre moyen. Et 1 000 à 1 200 francs d'argent comptant, aidés du talent des cuisiniers, peuvent, je n'en doute pas, fournir à dîner à toutes ces personnes et laisser peut-être encore quelques bénéfices. Ajoutez à cela que la vente du vin est, je crois, considérable. Il faut pourtant déduire une partie de la recette pour l'intérêt du capital de la première mise. Il faut une argenterie considérable, non seulement pour les couverts dont il serait difficile de calculer le nombre, mais encore pour les tristes tasses dans lesquelles on sert le potage. À tout prendre, cependant, je comprends plus facilement la possibilité de fournir journellement 500 dîners à 2 francs par tête dans un de ces établissements que de trouver 500 personnes par jour pour les consommer. Il existe plus de 1 000 de ces maisons dans Paris et toutes sont constamment pleines. Mais cette manière de vivre, si peu naturelle pour nous, paraît toute simple et même indispensable aux Français. Ils font tout cela si bien, si agréablement. Imaginez pour un moment le ton qui régnerait dans une pareille salle à manger à Londres. Je ne prétends pas même exiger qu'elle soit fixée à un prix aussi modique. Allons beaucoup au-delà. Supposons un établissement où hommes et femmes dîneraient à 5 shillings ou 6 francs par tête. Quel bruit! Quel discours véhément, sans avoir rien de social, s'y ferait entendre! Sans compter le peu de probabilité qu'un pareil lieu, s'il était réellement et de bonne foi ouvert au public, pût conserver la décence convenable à la présence des femmes pendant 8 jours seulement. Mais ici, tout aussi décemment et aussi convenablement arrangé que si chaque petite table avait été placée avec sa petite société séparée dans un salon particulier à l'hôtel Mivart. Il est juste, d'après cela, que tout en nous félicitant de la susceptibilité délicate qui fait que nous ne pouvons nous sentir heureux dans la solitude de nos salles à manger, nous avouions toutefois qu'une égale délicatesse, quoique d'un autre genre, doit nécessairement exister parmi les personnes qui, jetées ainsi pêle-mêle les unes parmi les autres, savent conserver et se manifester mutuellement la même déférence et les mêmes égards que nous exigeons de ceux que nous admettons dans le cercle de notre intimité. À ce restaurant, comme partout ailleurs à Paris, nous trouvâmes une grande facilité à classer nos gens. Je suis bien convaincu que nous avions autour de nous plusieurs employés du gouvernement actuel, plusieurs anciens militaires de Napoléon, plusieurs échantillons de la race distinguée par Louis XVIII et Charles X, et même, si je ne suis pas dans une grande erreur, quelques débris de la Convention et de l'infortuné monarque, sa victime. Mais, pendant cette heure de repos et de bonheur, toutes différences d'opinion paraissent oubliées, et quelques désaccords qu'il puisse y avoir dans leurs sentiments, deux Français ne peuvent se trouver assis à côté l'un de l'autre à table sans échanger de nombreuses civilités et sans entamer à la fin une conversation si bien soutenue et si animée qu'au lieu de les prendre pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire pour des étrangers qui ne se sont jamais vus, nous les croirions, dans notre orgueilleuse timidité, d'intimes amis. Je ne sais si c'est leur humeur sociable et causante qui leur fait préférer de vivre ainsi en public, ou bien si c'est l'habitude de vivre en public qui leur donne cette sociabilité. Mais l'une n'est pas moins remarquable que l'autre, et toutes deux sont également éloignées de nos mœurs. Et je suis persuadé qu'il faut avoir dîné de cette façon à Paris pour savoir combien, dans certains cas, est large la ligne de démarcation qui sépare les deux pays. Il m'est arrivé, en d'autres occasions, de dîner dans des maisons d'un ordre bien plus élevé, avec le but de découvrir jusqu'où pouvait aller le talent d'un bon cuisinier à Paris. Mais ces établissements n'ont rien offert à mes observations qui, pour l'intérêt et la nationalité, approcha de ce dîner à 40 sous. En premier lieu, dans un restaurant d'un prix élevé, vous avez plus de chances de rencontrer des Anglais que des Français. Et secondement, quand il vous arrive d'y trouver un vrai gourmet de la grande nation, vous lui verrez faire dans cette occasion précisément la même chose que vous faites aussi, c'est-à-dire qu'il se donnera la satisfaction de faire un repas exquis, au lieu de manger la soupe et le bouilli chez lui, ou tout au plus un lièvre flanqué de 6 poulets étiques. Mais à ce modeste restaurant à 2 francs, vous pouvez étudier une page nouvelle de l'existence parisienne, page qui, tout en vous faisant chérir davantage les agréments de votre foyer anglais, vous offrira un tableau favorable des qualités sociables des habitants de la France. Je crois que si nous pouvions trouver un peuple composé par portions égales des deux nations, il approcherait le plus près possible de la perfection sociale. Les Français sont en quelque façon trop aimables pour toutes les personnes auprès desquelles ils se trouvent placés. Le sourire enjoué, l'aimable empressement, la prompte causerie nous flatteraient bien davantage si nous ne savions pas qu'ils sont à la disposition du monde entier. Tandis que de notre côté, nous tombons dans l'excès opposé. Toute personne dont nous ne connaissons pas la naissance, la parenté et l'éducation nous paraît devoir être un juste objet de nos soupçons et nous évitons soigneusement tout contact avec elle. Les Allemands n'offrent-ils pas par hasard en ceci ce juste milieu qui me paraît si désirable? Ayant terminé notre repas si peu coûteux par la tasse de café noir de rigueur, nous sortîmes pour faire encore une fois le tour du Palais-Royal, en attendant l'heure de nous rendre au théâtre du Vaudeville, où, vu le voisinage, nous avions résolu de passer le reste de la soirée. Nous repassâmes par la belle galerie d'Orléans, que nous trouvâmes remplie des dîneurs sortis de tous les restaurants. Cette galerie offre à toute heure un spectacle animé et plein de gaieté, mais dans ce moment surtout qui suit le repas et précède l'ouverture des spectacles, il présente en petit un modèle parfait de cette ville de Paris, si vivante, si riante, si pleine d'aimables oisifs. Une des raisons qui rend Paris si fort plus amusant que Londres, c'est, je crois, qu'il contient, en proportion de sa population, beaucoup plus de personnes qui n'ont rien à faire au monde que de s'amuser eux et les autres. Il y a ici beaucoup plus d'hommes oisifs qui se contentent, pour vivre, d'un revenu que chez nous, on regarderait comme à peine suffisant pour payer un loyer. De petits rentiers qui préfèrent rester les maîtres de leur temps et s'amuser un peu, que de travailler rudement et de s'ennuyer beaucoup avec beaucoup d'argent. Je ne déciderai pas en faveur de ce plan, une fois que la jeunesse est passée, du moins pour ce qui regarde les personnes elles-mêmes. Il me semble que quand la force, la santé et la gaieté baissent, on doit éprouver le besoin d'agréments plus substantiels, alors qu'il est trop tard pour les obtenir. Mais pour tous les autres, pour tous ceux qui forment le cercle autour duquel l'oisif amateur du plaisir voltige avec tant de légèreté, il offre une ressource qui ne leur manque jamais. Que deviendraient toutes les parties de plaisir qui ont lieu à Paris, le matin, le jour et la nuit, si cette race venait à s'éteindre? Mariés ou garçons, ils sont également recherchés, également nécessaires, également bienvenus partout où le plaisir fait l'occupation du moment. Chez nous, il n'y a qu'une classe de personnes très peu nombreuses et très privilégiées qui puissent se permettre d'aller toujours et partout où le plaisir l'appelle. Mais en France, quand une dame fait les dispositions d'une fête, de quelque genre qu'elle soit, elle n'a jamais besoin de se faire trois fois la question « Mais quels hommes aurons-nous ?» Il y avait beaucoup de monde au vaudeville. Nous trouvâmes pourtant moyen de nous placer très bien aux secondes loges, d'où nous vîmes, à notre grande satisfaction, trois charmantes petites pièces. Les gants jaunes, un premier amour, elle est folle. Cette dernière était de l'école larmoyante et m'amusa beaucoup moins que la folle gaieté des deux premières. Elle fut cependant admirablement bien jouée. Mais quand je vais voir un vaudeville, c'est toujours avec l'intention de rire, et c'est un grand désappointement pour moi quand ce but est manqué.